mer. Le temps s'efface, l'instant est clair. Les reflets dansent sur l'eau tranquille. Le monde ralentit, la nuit est docile. Les pensées voguent en douce errance. Dans ce silence naît la confiance. Les vagues chantent une mélodie qui berce l'âme, douce harmonie. Chaque instant devient un voyage dans l'ombre tendre du paysage. Le ciel s'ouvre en vaste profondeur où flottent rêves et douceurs. On s'abandonne au souffle léger de cette nuit à jamais figée. We ride the shadow waves, calm and slow, letting all the worries go. We float, we dream beneath the night, wrapped in soft and tender light. Les brises fraîches effleurent la peau, les souvenirs s'égrènent en écho. Le temps suspend son souffle au ciel, le présent s'étire doux et réel. Les pas légers sur le sable chaud chantent l'histoire d'un monde en repos. On s'abandonne, corps et esprit, à ce souffle qui nous unit. Les ombres glissent sur la dune claire, sous un voile d'étoiles légères. Chaque souffle emporte un secret, un souffle doux, un doux secret. La mer chante un air familier, qui apaise le cœur fatigué. On suit la vague lentement, portée par ce doux courant. We ride the shadow waves, calm and slow, letting all worries go. We float, we dream beneath the night, wrapped in soft and tender light. Close your eyes, drift on the tide, let the peace within you rise. Chaque souffle, chaque regard nous rapproche d'un nouveau départ. We ride the shadow.